Vous êtes bien à l'écoute de Radio Libertaire sur le 89.4 sur la bande FM et partout ailleurs sur internet sur le www.radio-libertaire.net. Et c'est l'heure de C'est là que ça se passe, comme tous les lundis, de 13h à 14h30. Agenda, des luttes, des manifestations, des rassemblements, des piquets de grève, des rendez-vous de débats, de projections, etc. pendant une heure et demie, donc jusqu'à 14h30 ou peut-être un peu avant. Et on dit au revoir à l'émission lundi matin, qui sont encore dans les studios, mais qui sont en train de partir. Laurent, Nicolas et Sylvie, hein, que vous écoutez tous les lundis de 11h à 13h. Avec assiduité. Avec assiduité. Et aujourd'hui, comme tous les lundis maintenant, hein, Milan est en notre compagnie. Bonjour Milan. Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Alors... Aujourd'hui, encore beaucoup de rendez-vous que j'aurai à vous proposer, que j'ai récupéré. Alors, beaucoup de rendez-vous sur Paris et la région Île-de-France et un peu moins sur le reste de la France. Mais j'aurai quand même quelques rendez-vous à vous proposer, notamment sur Lyon. Sur Lyon et sur Bayonne aussi, et puis peut-être un petit rendez-vous en Bretagne aussi, mais on verra ça tout à l'heure, de toute façon dans la deuxième ou dans la troisième partie de l'émission. Alors les rendez-vous, vous le savez, hein, l'émission est divisée en plusieurs parties, avec une première partie sur les rendez-vous sur Paris intramuros, une seconde sur les rendez-vous en Île-de-France, hors de la capitale, et puis une troisième sur quelques rendez-vous en région, sur le reste du territoire français. Et puis quand nous avons le temps, quelques rendez-vous ou informations sur l'international. Et notamment aujourd'hui, j'aurai quelques petites infos sur la Tunisie et la Suisse. Et peut-être en Belgique si jamais j'ai le temps. Enfin, si jamais on a le temps. Mais on verra ça tout à l'heure, de toute façon. Alors. Alors on va commencer parce que beaucoup de rendez-vous que j'ai à vous transmettre sur Paris et la région Île-de-France aujourd'hui, avec notamment aujourd'hui, lundi 1er février, hein, premier jour du mois, comme tous les premiers lundis du mois d'ailleurs, des cours gratuits du droit du travail qui sont proposés par le réseau Stop Précarité, comme je vous avais proposé lors du premier lundi de janvier, qui était la première de l'émission aussi, c'est là que ça se passe. Mais cette fois sans Mylène. Hein. mais Mylène est parmi nous maintenant. Ce soir, cours gratuit du droit du travail, qui sera proposé à l'annexe de la Bourse du Travail à partir de 19h. Donc c'est de 19h à 21h, c'est quand même mieux d'arriver à l'heure pour ne pas, tout simplement pour ne pas arriver en retard, mais aussi parce que c'est souvent des salles qui sont très remplies et donc pour avoir de la place, il faut quand même arriver tôt pour ne pas louper tout ce qui peut être dit et d'intéressant et vraiment intéressant sur ces cours gratuits du droit du travail, Bourse du Travail, 67 rue de Turbigot. Alors vous y accédez hein, avec la ligne 3 du métro, station Temple, les lignes 3 et 11, toujours du métro, la station Art et Métiers, puisque l'annexe de la Bourse du Travail est située entre ces deux stations, ou encore avec les bus hein, du réseau RATP, le 75 et le 20 notamment. Alors ce soir, ça aura comme thème les contrats précaires, que sont les temps partiels, les CDD, l'intérim, les stages, ou encore d'autres contrats précaires. Je n'ai pas en tête. Est-ce que tu en aurais d'autres en tête, Milan ? Pas tout de suite. Non, de toute façon, je pense qu'on fait le tour hein, avec les temps partiels, le CDD, l'intérim et les stages. C'est quand même les plus gros morceaux des contrats précaires, hein, de toute façon. Voilà, donc ce soir à partir de 19h, au 67 rue de Turbigot. Alors oui, juste un bémol, je ne suis pas sûr à 100% de ce rendez-vous, à 90% seulement. Si jamais dans la journée vous avez le temps d'envoyer un mail au réseau Stop Précarité, ils ont un site internet avec l'adresse affichée dessus, vous pouvez toujours leur demander s'il y a bien le cours du droit du travail ce soir à l'annexe de la Bourse du Travail à Paris, ou bien si c'est annulé. Mais voilà, normalement, il devrait y être comme tous les comme tous les premiers lundis du mois. Autre rendez-vous, c'est demain, mardi 2 février, avec deux rendez-vous cette fois à vous proposer, demain. Un premier, à partir de 14h jusqu'à 19h, c'est la collecte pour les migrants et les migrantes de Calais, qui continue, elle s'est fait depuis le 6 janvier, et elle aura lieu jusqu'au 6 février, donc pendant un mois, au local principal d'Arcueil, mais depuis une semaine, la librairie Publico est dépôt, référence, pour Paris, pour les personnes qui ne peuvent, ou ne veulent, hein, après tout, pas bouger en proche banlieue, puisque le local principal est à Arcueil pour cette collecte. Donc c'est la librairie Publico, depuis une semaine, qui est le dépôt principal pour Paris, et qui continue demain et mercredi, au moins. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est pour demain et mercredi. Après, pour les jours qui viendront, parce qu'il faut aussi compter, évidemment, le temps de tri. Parce que tout ça nous arrive, évidemment, dans des sacs, c'est mélangé, et c'est normal, hein, après tout, les gens mettent ce qu'ils veulent donner dans un sac, et puis c'est tout, et les amènent. Alors oui, c'est organisé par le collectif et l'association Polyvalence, qui existe depuis 3-4 ans maintenant, où il y a toujours des brochures de cette association qui sont disponibles en consultation et à la vente hein, à la librairie Publico. Donc demain, 14h-19h, mercredi, 14h-19h là aussi, et puis eh bien, faites passer le mot. Je pense que c'est ça l'important, hein. C'est quelque chose qui a des répercussions réelles, en fait, Voilà. Il y a sans doute deux petits camions qui vont être acheminés vers Calais aux alentours du 9 et 10 février. Et oui, parce que j'ai dit que la collecte s'arrêtait au 6, mais il faut le temps de trier, d'empaqueter tout ça dans des cartons pour pouvoir bien agencer dans les camions et puis pour que ça soit plus facile lors du déchargement à Calais. Hein. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a maintenant deux camps à Calais. Hein. Il y a ce qu'on appelle la jungle à Calais même. Et puis le nouveau camp du côté de Dunkerque qui s'appelle Grande-Synthe, je crois. Mmh. Et qui commence aussi, lui, à être, comment dire, en piteux état, mais dans un sens, comment dirais-je, dans le sens où c'est quand même des conditions de vie horribles, avec le froid, la pluie, etc. Même si on n'oublie pas, évidemment, toutes les personnes sur tout le territoire qui se retrouvent dans ces situations-là, hein, que ce soit sur Paris ou ailleurs, bien évidemment. Voilà, demain et mercredi, la collecte pour les migrants et les migrantes de Calais. Tu veux peut-être Avant de passer au point suivant, peut-être rappeler essentiellement ce qu'on accepte dans les lieux de dépôt. Très juste. Très juste. Et c'est notamment des vêtements chauds. Hein. Ce sont des vêtements d'hiver pour hommes... pour femmes et un peu pour enfants, sachant que pour les vêtements, alors c'est hommes et femmes ou que femmes, je ne sais plus, et je vous donne cette information tout de suite. Voilà, ce sont pour les hommes, des manteaux et des pantalons chauds et imperméables, si possible. Et ce sont principalement des tailles S et M qu'on recherche, tout simplement. Des chaussures de marche... imperméable si possible également, principalement en taille 42 et 43 pour les hommes, et puis des hauts, des pulls et des sweats à manches longues hein, pour lutter contre le froid, tout simplement. Du côté des femmes, ce sont des chaussures ou des bottes jusqu'à la pointure 39, mais pas de chaussures ou de bottes à talons. Hein, s'il vous plaît, vu l'état des terrains et puis des mètres et des kilomètres que les gens ont à parcourir pour trouver à manger, etc., ou des vêtements ou d'autres choses encore, les talons ne sont vraiment pas les choses adéquates à avoir sous ces chaussures. Des soutiens-gorge aussi de petite taille, des manteaux et des pantalons chauds et si possible imperméables comme pour les hommes, et puis des hauts à manches longues, des pulls, des sweats en taille S et M principalement, mais aussi des couvertures, hein, du matériel de chauffage, des sacs de couchage, des tentes, à partir de 4 places, s'il vous plaît, des tapis de sol, des extincteurs, du riz, du sucre, enfin des choses qui puissent se conserver, hein, donc des conserves aussi, tomates, pois chiches, haricots, du thé, du café, du sel, fruits et légumes, tout ça, du lait UHT, évidemment, hein, ultra haute température hein, pour du lait stérilisé, et puis tout ce qui est aussi hygiène avec du déodorant, des lingettes pour bébé, du shampoing, de la crème à raser, des mouchoirs ou encore du papier toilette. Voilà. Et donc, comme nous le disions, c'est demain et mercredi pour le dépôt à Publico. Mais ça continue jusqu'au 6 février pour le dépôt principal à Arcueil. Vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires sur le site internet polyvalence-mp.com ou sur le Facebook de l'association. Il suffit de taper Polyvalence MP ou Asso Polyvalence. Non, je crois que c'est Asso Polyvalence maintenant. Et vous aurez toutes les informations pour la collecte. Et je vous parlais d'un autre rendez-vous pour le mardi. Ce sera à partir de 19h. À partir de 19h, oui, il y aura la deuxième assemblée générale de préparation au festival féministe qui aura lieu en mars. Notamment, ce qui est prévu en tout cas, c'est une manifestation le dimanche 6 mars, une rencontre-débat le 8 mars et une soirée-concert le 11 mars. Donc voilà, c'est la deuxième assemblée générale pour préparer ce festival, on peut dire, qui aura lieu sur ces 3 jours que j'ai cités en mars. Que dire d'autre que cette assemblée générale sera mixte, mais que la priorité, bien évidemment, de parole sera assurée par et pour les femmes et les minorités de genre, ce qui est, somme toute, normal. Ce sera où ? Eh bien, ce sera à la Maison des Associations du 18e arrondissement, à la salle Poiry et Bagnères, qui est située au premier étage de la Maison des Associations du 18e. Pardon. On y accède alors avec les lignes 4 et 12 du métro, station Marcadet-Poissonnière, et la Maison des Associations du 18e est située au 15 passage Ramet. Voilà pour mardi. Autre rendez-vous, mercredi cette fois-ci. Alors, bien évidemment, j'ai déjà cité la collecte pour le dépôt à Publico, la collecte de vêtements pour les migrants et les migrantes de Calais. Mais aussi, d'autres rendez-vous, et notamment une grève unitaire des personnels des entreprises de l'environnement. Alors, je n'ai pas plus de détails que ça, c'est seulement ce que j'ai réussi à avoir, c'est qu'il y a une grève de prévu. Donc sans doute des piquets de grève, peut-être quelques actions, je ne sais pas trop. Des personnels de l'environnement, je pense qu'il faut se renseigner à travers les syndicats dans vos boîtes respectives. Si jamais il y a des personnes qui bossent dans l'environnement et qui nous écoutent aujourd'hui, renseignez-vous auprès de vos syndicats pour en savoir plus sur cette grève du mercredi 3. Pour les personnels de l'environnement, je le rappelle. Autre rendez-vous, toujours ce mercredi, une journée d'action. Alors là, c'est vraiment les grèves, mercredi. Mercredi 3 février. Journée d'action des personnels de l'éducation nationale. Alors là, c'est pareil. J'ai ni un lieu de manifestation, de rassemblement, ni une heure de prévu. La seule chose que je sais, c'est que Sud Éducation a l'air partie prenante de cette journée d'action. Et je pense que voilà, si vous voulez plus d'infos, je pense qu'il faut contacter Sud Éducation. Et puis voir tout simplement avec eux, leur demander plus d'informations sur le sujet. Mais voilà, ce que j'ai pu recouper à travers des personnes qui m'ont contacté pour me le dire, mais sans me donner plus d'informations, c'est qu'il y a une journée d'action des personnels de l'éducation nationale ce mercredi 3. Donc voilà, grève des unitaires des personnels de l'environnement, journée d'action des personnels de l'éducation nationale, mercredi, voilà, il risque d'y avoir encore quelques petits blocages. En tout cas, on peut l'espérer, Milan. On peut l'espérer. À droite et à gauche, quelque part. Voilà. Et tant qu'on parle des luttes de l'éducation, je ne sais pas si tu as prévu d'en parler plus tard par ailleurs, mais je tiens à féliciter, dirons-nous, les camarades du lycée Autogéré de Paris. Évidemment, je te laisse en parler, tu connais plus le LAP que moi. Certes. Pour faire un petit apo rapide, donc le LAP, le lycée Autogéré de Paris, est un établissement pédagogique expérimental rattaché à l'éducation nationale. Ce n'est pas un lycée privé ou payant ou que sais-je, qui a une pratique autogestionnaire, c'est-à-dire concrètement pas de proviseur, pas de personnel d'administration quelconque. Et la gestion revient aux élèves et aux profs en égalité. C'est-à-dire, autant la gestion sur le budget que la gestion de la bibliothèque, de l'entretien des locaux, que la gestion politique. Et il se trouve que le lycée autogéré de Paris, qui est une de ces expériences qui, mine de rien, ne plaît pas plus que ça à l'éducation nationale ou à l'État, il y a 5 ans, si je ne me trompe pas, un demi-poste avait été retiré, un demi-poste d'enseignant, passant le nombre de postes de 25 à 24,5. Ce qui était problématique pour le lieu, d'une part. D'autre part, le ou la professeur qui se retrouvait avec le demi-poste ne pouvait pas participer à égalité avec les autres au processus autogestionnaire et même à la vie quotidienne du lieu, parce que dans ce genre de lieu, évidemment, il y a une solidarité qui se crée, que ce soit entre élèves, entre professeurs, entre élèves et professeurs, qui est bien différente du lycée classique. Voilà. Et il se trouve que, suite à la semaine dernière, où une pétition avait été lancée par le LAP, qu'il y a eu une manifestation à travers Paris qui s'est terminée devant le rectorat en fin de journée. Une pétition aussi, si je me rappelle bien, avait été lancée. Mmh. Et il se trouve que le demi-poste a été regagné, tout en sachant que ce n'est pas la première lutte qui a été faite autour de ce demi-poste. Il y a eu ces dernières années plusieurs tentatives de le récupérer. Et eh bien, cette fois, ça a fonctionné. Le LAP retrouve son demi-poste par le rectorat. Et donc, il me semblait bien de les féliciter. Oui, oui, mais tu as totalement raison. C'est vrai que c'est positif. Alors, on peut dire comme ça, de passer de 25 postes à 24,5, c'est dérisoire. En fait, pas du tout. C'est-à-dire qu'un demi-poste en moins implique un changement total, enfin une réorganisation réelle des emplois du temps des professeurs, mais donc des élèves aussi, qui se retrouvent à être soit, les répercussions, c'est des classes plus surchargées, ou des heures en moins, ou des activités dans le cadre du LAP, mais hors scolaires au sens strict du terme, qui sont amenuisées. Bref, il y a vraiment des répercussions. Un demi-poste en moins a des répercussions réelles sur la vie au sein d'un établissement, et notamment d'un établissement scolaire comme le LAP, hein, puisque de toute façon, on sait très bien que l'éducation nationale considère le LAP comme un caillou dans l'engrenage. Dans la chaussure, dans l'engrenage, que sais-je. Dans l'engrenage de l'éducation nationale, évidemment. Mais voilà, donc c'est bien, ils ont pu récupérer ce demi-poste supplémentaire. C'est une... Voilà. Bravo à eux et à elles, à tous les lycéens et lycéennes qui se sont investis aussi dans cette lutte. Et puis, ce n'est pas fini de toute façon, puisqu'il faut toujours batailler pour que cette expérimentation puisse perdurer encore longtemps. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons ici. Et donc, il faudra toujours continuer à lutter pour le maintien de ce 25e poste entier et peut-être pour de futures luttes pour d'autres postes supplémentaires. Mmh. Qui sait ? Qui sait ? Voilà. Et merci de m'avoir rappelé de parler du LAP. Je t'en prie. Et si vous souhaitez en savoir plus sur cette lutte, sur le LAP, que sais-je, sachez que les Lapiens et les Lapiennes tiennent une émission sur cette radio, sur Radio Libertaire. Très juste. Que vous pouvez retrouver les 2e et 4e jeudi du mois à 16h30 en alternance. Et ils et elles vous parleront de ces luttes certainement bien mieux que moi. Et d'autres sujets, politiques ou non, d'ailleurs. Tu as totalement raison. D'ailleurs, et en lien avec le LAP, c'est très bien, puisqu'on passe au rendez-vous du jeudi 4 février. Et ce jeudi, il y a donc un rendez-vous au lycée autogéré de Paris. C'est beau. C'est dans le cadre des Jeudis du LAP. Je pense que tu connais ce que c'est. Ce sont des projections de films. Voilà. Donc les Jeudis du LAP, ça sera donc une projection de films au lycée autogéré de Paris. Deux films qui seront présentés. Le premier, ce sera On ira à Neuilly, Inch'Allah, de Anna Salzberg. Un très bon film. Et un très bon film sur les comment dirais-je, sur vraiment les différences de classe sociale, en fait. Et je conseille de le voir, soit au Lab jeudi soir, soit ailleurs ou sur Internet, mais c'est vraiment un film assez bien réalisé et qui dit des choses. Et le second film, ce sera Entre chien et loup, de Karim Benzidami, qui parle quant à lui de la lutte des Contis, si je me souviens bien. Mais ce film, par contre, je ne l'ai pas vu. L'entrée sera libre, bien évidemment, et il y aura de quoi se restaurer, qui sera à prix libre, cette fois-ci. Alors, le LAP est situé au 393 rue de Vaugirard. Dans le 15e arrondissement de Paris. Dans le 15e arrondissement. Vous pourrez y accéder par la ligne 12 du métro aux arrêts Convention ou bien Porte de Versailles. Et quitte à parler de Porte de Versailles, c'est accessible par le tram T3A et T2. Et T2, et voilà. C'est exact. Et puis comme j'aime à donner les lignes de bus... Ça, je ne les connais pas. Vous êtes habitué maintenant, hein, je pense. Vous pouvez y accéder au lycée Auto-Géré de Paris, 393 rue Vaugirard, je le rappelle, avec les bus 80 et 39. C'est vraiment à 2 minutes. Oui, en plus, je crois que l'un des deux bus monte jusqu'à Saint-Lazare. Donc, c'est assez direct. Ce sont des lignes qui relient vraiment des points assez éloignés dans Paris. Donc, c'est facile d'accès... pour accéder au lapin quand même. Hein. Autre rendez-vous jeudi, un appel au rassemblement et à la grève en soutien aux ex-salariés de Goodyear. Alors, vous le savez, je pense, on en avait parlé, il y a deux semaines. Puisque la semaine dernière, nous nous en excusons d'ailleurs, hein, nous n'avons pas pu assurer l'émission, puisque nous étions malades. Et du coup, bah, il n'y a pas eu cet agenda militant, lundi dernier, pardon. Et c'est pour ça que nous sommes là, de retour et vigoureux, pour vous transmettre toutes ces informations. Je reprends. Excusez-moi, j'ai fait une aparté, mais je reprends. L'appel au rassemblement et à la grève en soutien des ex-salariés de Goodyear, dont nous parlions il y a deux semaines, ce sera ce jeudi 4 février. À 11h sur le parvis des libertés et des droits de l'homme. Pour y accéder, la station la plus proche, c'est Trocadéro, c'est juste en face. Et 9, ligne 6 et 9 du métro. Exact. Et en bus avec 4 lignes, le 63, le 22, le 30 et le 32. Ceux-ci ne sont pas les numéros du loto, je précise. Et voilà, alors les Goodyear, bien évidemment, hein, qui se font incriminer. Et alors que ce n'est pas... Alors, c'est normal d'un point de vue du capitalisme, qui veut forcément réfréner les luttes et déborder encore plus son ultra-libéralisation des emplois, de l'économie, etc., etc. Alors que ce qu'ils ont fait, c'est simplement retenir... un membre de la direction dans les locaux de l'usine d'Amiens, hein, si je me souviens bien. Et alors que, je tenais vraiment à le préciser, cette forme de lutte fait partie de l'éventail d'actions au sein du syndicalisme. C'est-à-dire que ces personnes-là n'ont pas fait quelque chose de criminel ou peu importe le mot qu'on pourrait dire, mais ils ont simplement utilisé un des outils dans la mallette qui s'appelle Action Directe au sein du syndicalisme. Voilà, c'est tout. Ils ont choisi cet outil qui est un outil qui existe pratiquement, alors peut-être pas depuis les débuts du syndicalisme, mais qui y en a eu au moins entre 1900 et 1914, les premières... Oui, il y en a eu. Depuis le début du XXe siècle, c'est un des outils du syndicalisme de faire de... Alors, je ne sais plus le mot qui est utilisé dans les médias ou par l'État, et je m'en fiche, hein, autant le dire tout de suite. Mais voilà, ils ont juste retenu pour pouvoir tenter de gagner quelque chose dans leurs revendications. Et énormément d'acquis sociaux ont été gagnés à travers le XXe siècle grâce à cet outil. Je rappelle, cet outil de retenir quelqu'un de la direction ou le patron dans les locaux est un outil qui fait partie de la grande valise d'action du syndicalisme. Voilà, c'est un outil, au même titre que d'autres. Alors c'est un outil qui ne plaît pas à l'État, qui ne plaît pas aux directions, qui ne plaît pas au capitalisme, si on veut utiliser un mot plus fort, mais c'est un outil qui a été utilisé pendant tout le XXe siècle et très peu de salariés pendant le XXe siècle ont été inquiétés par un quelconque jugement à travers tout le XXe siècle. Hein. Et voilà, je voulais juste dire que c'est un outil normal, classique du syndicalisme. Et j'ai été ravi à l'époque où ils l'ont fait parce que c'est un outil qui revenait à la modernité alors qu'il avait été abandonné depuis la fin des années 70. Donc voilà, j'étais plutôt content. Alors voilà, c'est ce rassemblement jeudi à 11h. Je sais qu'il y aura un autre rassemblement de prévu pour la même chose à Vitry, samedi 6. Alors, je n'ai pas plus de dates, mais je sais que vous pouvez contacter la CNT 94 pour avoir plus de détails sur ce rassemblement en soutien aux Goudières de samedi à Vitry. Mais voilà, pour jeudi 4 février, ce sera à 11h, Parvis des Libertés et des Droits de l'Homme, à la station Trocadéro, pour apporter son soutien et sa solidarité aux ex-salariés de Goudières qui n'ont fait que se défendre en utilisant un outil normal du syndicalisme. Je tenais à le préciser. Le rendez-vous du LAP du jeudi soir, je l'ai déjà dit juste avant. Nous passons donc au vendredi 5 février. Alors là, ce sera un rendez-vous qui n'est pas certain, je tiens à le préciser dès le début. C'est le collectif Stop État d'urgence qui appelle de nouveau à un rassemblement. Il y a eu une manif il y a deux jours, c'était samedi après-midi, jusqu'à la place du Palais Royal, je crois, devant le Conseil d'État. Qui partait des Républiques jusqu'au Conseil d'État, une belle manifestation, 5 000 selon les organisateurs et organisatrices, 20 000 selon la police, ou l'inverse. Mais on n'était pas 5 000, hein, on était plus que ça, mais je ne pourrais pas vous dire combien, mais on était plus que ça, hein, il y avait plus que 10 000 personnes, ça c'était sûr. Mais voilà, avec un beau cortège... libertaire au sens large du terme. Hein. La Fédération anarchiste avait une banderole avec beaucoup de monde quand même derrière cette banderole. Donc beaucoup de libertaires, un bon cortège syndicaliste révolutionnaire aussi. Et je tiens à signaler parce que ça faisait quelque temps qu'on n'avait pas vu ça ces deux dernières années. Et voilà, donc vendredi 5 février, le collectif Stop État d'urgence qui appelle apparemment, hein, mais il faudra se renseigner d'ici vendredi, à un nouveau rassemblement. Je vous donne quand même l'heure et le lieu. Ce sera à 17h, à côté ou devant l'Assemblée nationale. Et pourquoi ce vendredi? Tout simplement parce que vendredi, ce sera le premier jour des débats à l'Assemblée nationale sur la réforme constitutionnelle qui veulent faire rentrer la déchéance de la nationalité au sein de la Constitution. Je rappelle qu'il y a eu une trentaine de réformes de constitutionnelles au sein de la Ve République. Hein, donc, on n'est plus sur la Constitution qui a été pondue dans les années 50, il me semble, Milan. Voilà, hein, c'est vraiment modifié de chez modifié depuis bien des décennies. Et encore une fois, ils veulent le faire. Et voilà. Donc, 17h. Devant ou à côté de l'Assemblée nationale, pour cette raison. Mais voilà, il faut se renseigner d'ici vendredi pour savoir si ce rassemblement est bien maintenu, si d'autres collectifs appellent aussi à ce rassemblement ou pas. Voilà, il faudra se renseigner d'ici la fin de la semaine. Je rajoute juste qu'on y accède avec le métro 12 à la station Assemblée nationale, avant de laisser la parole à Milan. Vous savez, dans ces là que ça se passe, on ne se contente pas de faire un agenda, on parfois critique aussi certains aspects ou des luttes. Et il y a quelque chose qui me semble être important de préciser dans cette lutte, c'est que samedi était présent à la manifestation et affiché en tant que tel le PCF, le Parti communiste. Plusieurs composantes du Front de Gauche, je pense à Ensemble par exemple, appellent à cela. Et il me semble important de dénoncer l'hypocrisie de ces partis qui, par ailleurs, dont leurs députés, ont voté l'état d'urgence. C'est-à-dire que quand l'état d'urgence a été adopté à la quasi-unanimité, sauf 6 abstentions, ce n'était pas Ensemble ou le parti de gauche ou le PCF qui sont abstenus, même pas opposés au texte, abstenus. C'était des députés du Parti Socialiste et de Alors, Europe Écologie. Alors oui, il y avait des partis des députés de Europe Écologie Les Verts et alors à l'Assemblée nationale, parce qu'au Sénat c'était encore pire. Je crois qu'il n'y a que deux personnes qui se sont abstenues ou une, je ne sais plus. L'Assemblée nationale, oui, c'était parmi les 6 des personnes d'Europe Écologie Les Verts et du Parti Socialiste. Ce qui est donc étonnant, puisqu'on pourrait penser que la gauche aurait pu être... Enfin, la gauche, certaines formes de gauche auraient pu être contre cet état d'urgence, mais ils ont voté les pleins pouvoirs, hein, en fait. Hein, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Les pleins pouvoirs... alors, il faut aussi... Soyons précis, sur les 18, je crois, députés... Enfin, on va dire la vingtaine de députés apparentés Front de Gauche... au sein de l'Assemblée nationale, je crois qu'il y en a au moins, sur les 20, il y en a 16 ou 17 qui sont PCF. Hein. Mmh. Donc, après, moi, ça me ferait plaisir, je pense, c'est totalement utopiste, que Ensemble ou d'autres composantes du Front de Gauche critiquent le PCF, chose qu'ils ne font pas, en tout cas, en externe et publiquement. Très peu. Mais, très peu, voilà. Très peu. Mais disons que ça m'aurait plu de dire, mais le PCF, qu'est-ce qu'il fait là alors qu'il a voté? Tandis que Ensemble et le reste, non, finalement. Hein. Mais ils font quand même partie de la même composante, Front de Gauche, et donc apportent un soutien hein, à ce qui est fait. Mais voilà, cette précision me semblait importante, et de dénoncer l'hypocrisie, particulièrement du PCF, sur ce sujet-là. Alors... Juste pour finir, sachez qu'ils n'étaient pas vraiment nombreux ni nombreuses à la manifestation. Mais non. Ils étaient affichés en tant que tels. Ils étaient affichés en tant que tels, mais c'était vraiment pas beaucoup de personnes du PCF qui étaient là. Hein. Alors forcément plus que des libertaires, ça c'est, c'est une réalité. Hein, c'est une réalité. Mais il n'y avait pas 1000 personnes du PCF, hein, ni 500. Hein. C'était vraiment, vraiment peu. Donc c'était aussi très bien qu'ils ne soient pas en nombre. Hein. Comme quoi, cela nous réjouit, comme quoi, même dans leurs rangs, hein, des fois, ils ne savent pas se tenir les rangs. Hein. Mais oui, c'était important de le signifier. Mais en tout cas, voilà, pour vendredi 5 février, eh bien, essayez d'avoir, si cela vous intéresse, bien évidemment, d'avoir plus d'infos d'ici là. Je ne suis pas sûr de ce rendez-vous devant l'Assemblée nationale à 17h. En tout cas, pour l'instant, c'est appelé par le collectif Stop État d'urgence. Voilà. Mais je ne doute pas, même si je n'ai pas la confirmation, qu'une présence anarchiste sera présente. Je n'en doute pas, ce n'est pas une confirmation. On peut y penser et le suggérer, de toute façon. Nous passons au week-end. Le week-end est samedi 6, beaucoup de rendez-vous. Samedi 6, à partir de 13h, la fête des éditions. Noir et Rouge. Alors, les éditions Noir et Rouge, c'est une édition, maison d'édition qui existe depuis quelques années, 3 ans maintenant, je crois. 3-4 ans, peut-être. Et avec, qui édite des livres neufs, souvent très intéressants, d'ailleurs. Avec quelquefois des rééditions d'anciens livres totalement épuisés depuis des décennies. Donc, ça peut être vraiment, vraiment bien. Et là, à partir de 13h, ce sera une fête à la mode brocante bouquiniste avec des milliers et des milliers de livres d'occasion et quelques livres neufs, des éditions Noir et Rouge, bien évidemment. Mais voilà, c'est véritablement une brocante de livres et vous aurez vraiment dans tous les sujets sociaux... sur l'anarchisme aussi, bien évidemment, mais pas que. C'est vraiment sur tous les courants sociaux et du socialisme au sens large, je dirais. Et ce sera à la librairie L'Émancipation. Librairie L'Émancipation qui est 6 au 8, impasse Crozatier. On y accède avec le métro 8, station Federme-Chaligny ou le Dru-Rollin. Ou encore avec la ligne 1, station Reuilly-Diderot. Ou encore pour les marcheurs et les marcheuses, on peut y accéder depuis la gare de Lyon. Alors là, c'est la ligne 1 du métro, le RER A, le RER D, la ligne R du Transilien et même les TGV. Donc, et la ligne 14. Et la ligne 14, très juste, je l'oubliais, merci Milan. Donc voilà, c'est de 13h à, de 13h à 18h à peu près. Mais ne venez pas à 18h, hein, ça sera déjà, je pense, en train de remballer à cette heure-là. Voilà, 13h, 18h, la fête des éditions Noir et Rouge, brocante de livres sur les mouvements et les courants sociaux. Avec des BD aussi, si je me souviens bien, des dernières. Régulièrement. Oui. Continuons toujours pour samedi, avec notamment, à 14h, un rassemblement. un rassemblement antifasciste en réponse à Pegida. Alors, Pegida, c'est un espèce de groupe, plus qu'un parti politique, allemand, même s'il a fait des petits dans pas mal de pays en Europe, maintenant. Et c'est un groupe qu'on peut qualifier d'extrême droite, hein, tout simplement, avec qui adhère totalement à la théorie du grand remplacement, hein, comme quoi tout le monde va se faire remplacer au sein de l'Europe. Par les hordes d'envahisseurs pas très blancs. C'est oublier quand même, et là c'est moi mon point de vue qui le dit, que nous venons à peu près tous de ce qu'on appelle le croissant fertile, hein, qui est une zone située à la jonction entre l'Asie et l'Afrique. Mais voilà, c'était juste pour quand même resignifier ça, hein, qu'on oublie souvent qu'à l'origine, nous sommes un peu tous et toutes issus de l'Afrique. Hein. Il faut le signifier parfois, hein, parce qu'on s'occupe souvent de la couleur de peau, de la langue, ou de ce genre de différences qui, finalement, n'en sont pas vraiment. Donc voilà, rassemblement antifasciste en réponse à Pegida, véritable groupe hein, d'extrême droite, voire même néo-nazi sur certains côtés. Hein. Et par certains des membres directeurs. Et par certains des membres directeurs, oui, oui. Enfin, des leaders du mouvement. Bien sûr, bien sûr. Et qui sont en lien avec d'autres mouvements d'extrême droite en Europe, hein, Aube Dorée en Grèce. Mais aussi Casa Pound en Casa Pound, je ne sais plus même les prononcer, mais c'est pas grave. En Italie ou d'autres mouvements franquistes aussi en Espagne, pour ne citer que. Hein. Voilà, donc c'est véritablement quelque chose qui devrait ne pas être. Hein. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Milan. Je vais vous donner quand même l'adresse hein, de ce rassemblement antifasciste. Ce sera la Fontaine des Innocents. Métro et RER Châtelet-Léal. Alors là, vous avez métro 1, métro 7, métro 11, métro 14, RER A, RER B, RER D également. Et puis, je ne vais pas citer les bus parce qu'il y en aura, il y en a au moins une vingtaine qui passent par cet endroit. Mais voilà, Fontaine des Innocents, à partir de 14h ce samedi, rassemblement antifasciste, appelé par les organisations antifascistes classiques, mais aussi des organisations libertaires, des organisations syndicales. Hein. J'ai vu des textes de Solidaires appelés à ce rassemblement samedi à 14h, et puis d'autres groupes, groupe Palestine-France, je crois, ou des choses comme ça, qui appellent à venir montrer que Pegida n'est pas le bienvenu en France. Sachant que samedi, apparemment, ça sera dans toute l'Europe que Pegida compte manifester. Donc, renseignez-vous aussi pour les personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas sur Paris. Il y a peut-être des rassemblements antifascistes aussi ailleurs en France. Dernier rendez-vous pour samedi, ce sera à 16h30. À la fameuse Librairie Publico. La fameuse Librairie Publico, avec un débat autour du livre Cinéma libertaire au service des forces de transgression et de révolte. Pardon. Ce sera avec Isabelle Marinon, une des co-auteurs de ce livre, en tout cas co-dirigé le livre, parce qu'il y a énormément de personnes qui ont écrit dedans. Alors c'est un livre assez intéressant hein, qui montre à quel point le cinéma peut être une force ou montrer les forces subversives, qui régissent à un moment donné, qui existent à un moment donné dans la société. Et c'est vraiment un livre très fouillé, hein, avec plein de films, de documentaires, de courts-métrages aussi qui sont signifiés à l'intérieur, ce n'est pas seulement le cinéma libertaire des 20 dernières années, hein, ça répertorie vraiment presque depuis l'origine, si on peut dire. En tout cas, ce sera ce samedi à 16h30 à la librairie Publico, à la voûte, je dirais même, à la voûte Publico, cette voûte qui est située au fond de la librairie et qui accueille des rendez-vous militants, des projections, des débats, des concerts aussi et toutes sortes de choses agréables. Tout à fait. Pour tout simplement se dire que nous sommes non pas isolés, non pas seuls, mais que nous sommes nombreux et nombreuses et que nous pouvons nous rencontrer et discuter et décider ensemble. Dernier rendez-vous pour Paris Intramuros, ce sera dimanche, avec le deuxième jour de la fête des éditions Noir et Rouge, puisque cette fois-ci, Noir et Rouge a décidé de faire sa brocante sur deux dates, le samedi 6 et le dimanche 7. Ce sera toujours à partir de 13h, pardon, et toujours au 8 impasse Crozatier. Federbe Chaligny, tout ça, hein, je vous ai donné les références en métro et en bus. Alors, on va se faire une petite pause musicale, hein, après avoir donné beaucoup de rendez-vous. Une petite pause musicale avec Fred Alpi et la chanson « Ma part de violence ». Et je remarque que je ne vous ai pas donné le titre qui a introduit l'émission, c'était « Automélodie » avec alors le groupe « Automélodie » avec le titre « Employé terne ». Une petite chanson qui critique le salariat et qui dénonce un peu le fait que nous devenons, année après année, tous gris au fur et à mesure de notre travail salarié. Alors, juste après, ce sera des rendez-vous. Alors, nous allons coupler la partie Île-de-France avec la partie région, ailleurs en France, puisque pas beaucoup de rendez-vous cette semaine. Voilà, Fred Alpi, Ma part de violence, et on se retrouve juste après. Le présent est tragique, mais heureusement, je n'ai pas d'avenir. Les solutions magiques, je n'y ai jamais cru, elles ne me font plus rire. Être combatif, c'est tout simplement refuser la souffrance. Ils nous voudraient passifs et il faudrait toujours obéir en silence. Vient le moment où il faut choisir ce qu'il faut créer et ce qu'il faut détruire. Je ne renoncerai pas à ma part de violence, et ce ne sera que légitime défense. Je ne renoncerai pas à ma part de violence, celle sans laquelle l'espoir n'a aucune chance. Je me demande à quoi bon crier des slogans pour que le monde change. Répubastination, il n'y a plus personne que ça dérange. Le présent que je crée se libère d'un passé que je veux déconstruire. Je n'ai rien d'autre à tuer que l'absurde routine qui exige de subir. Je ne renoncerai pas à ma part de violence, et ce ne sera que légitime défense. Je ne renoncerai pas à ma part de violence, celle sans laquelle l'espoir n'a aucune chance. Je ne renoncerai pas à ma part de violence, et ce ne sera que légitime défense. Je ne renoncerai pas à ma part de violence, celle sans laquelle l'espoir n'a aucune chance. toujours à l'écoute de Radio Libertaire 89.4 sur la bande FM et partout ailleurs sur le net, sur le streaming, sur le site de la radio www.radio-libertaire.net. Et vous êtes toujours sûr, c'est là que ça se passe. L'émission d'agenda militant, de lutte, de manifestation, de piquet de grève, de projection de films. Voilà, tout ça servi et documenté par Milan et moi-même, c'est bien, ouais, tous les lundis. Alors, on va passer au rendez-vous Île-de-France et en région. Alors, rendez-vous Île-de-France, un seul rendez-vous que j'ai pu noter, ce sera mercredi 3. Et mercredi 3 février à partir de 7h du matin. Hein. 7h du matin. C'est un peu tôt, mais bon. Mais ça vaut peut-être le coup. Et ça sera toute la matinée, par contre. Hein. Donc c'est à partir de 7h du matin, vous pouvez y arriver plus tard. Ce sera le réseau Éducation sans frontières. Un réseau qui milite efficacement, en tout cas que je trouve moi très bien, qui milite pour la scolarisation des personnes sans papier et précaires. Et qui essaye avec des avocats et des avocates compétents et compétentes, enfin qui essaye véritablement de faire quelque chose au niveau éducatif, on peut dire, et qui appelle à un rassemblement à 7h du matin, donc à partir de 7h du matin, pour dénoncer les souffrances et les injustices dont sont victimes les sans-papiers et les demandeurs et demandeuses d'asile. Alors ce sera à la préfecture des Hauts-de-Seine, mais pas du tout. Préfecture de la Seine-et-Marne. Et la préfecture de la Seine-et-Marne est située à Melun, dans le département 77. Alors je vous donne tout de suite pour y accéder, et après je vais parler un peu plus du rendez-vous. C'est au 12 rue des Saints-Pères. En transport, on y accède avec le RER D. Que vous pouvez prendre à Gare du Nord ou à Gare de Lyon dans Paris intramuros. On y accède par le RERD, donc avec les stations Le Mai-sur-Seine ou Melun, sachant que la préfecture est accessible, est à peu près 2 km ou 1,5 km de ces deux stations, à équidistance donc. Donc voilà pourquoi je vous donne ces deux stations de RERD. Vous pouvez encore y accéder avec la ligne R du Transilien, au départ de Gare de Lyon, et là c'est direct, Gare de Lyon, Melun. Voilà, vous descendez à la station Melun, il n'y a pas d'arrêt avant, et voilà, pour pouvoir y aller. Alors je vais donner quelques petites infos sur ce rassemblement à Melun. Face aux conditions inhumaines et indignes réservées aux étrangers, le réseau Éducation sans frontières 77, la Ligue des droits de l'homme, Fédération de Seine-et-Marne et le collectif des sans-papiers de Melun et Turbulence, un collectif certainement, organise un rassemblement devant la préfecture du département à Melun, mercredi 3 février 2016, jour où une délégation de ces organisations sera reçue en préfecture, comme tous les ans. Alors, j'espère que cette année, ça fonctionnera mieux que les années précédentes, évidemment. C'est pour ça que la mobilisation hein, en nombre de personnes est très importante dans ces moments-là. Venez nombreux et nombreuses dès 7h du matin et toute la matinée pour dénoncer les souffrances et les injustices dont sont victimes les sans-papiers et les demandeurs d'asile. Et revendiquons ensemble des conditions d'accueil en préfecture de Seine-et-Marne respectueuses des droits et de la dignité humaine. Un traitement équitable des demandes de tous les usagers du service public. Fin des décisions implicites de rejet quasi systématiques sur les demandes de régularisation. Fin des décisions arbitraires, voire illégales. Et enfin, un accès aux droits égaux pour tous, avec ou sans papier. Des croissants et des boissons chaudes seront distribués à cette occasion. Vous pouvez bien évidemment aussi en apporter, vous de vous-même. Que dire d'autre ? J'aime à dire des papiers pour tous, ou pas de papier du tout. Hein ? Aujourd'hui, le pas de papier du tout, il faudrait que les 65 millions de personnes... Non, je rêve un peu, mais se revendique cette chose-là, et que ça soit même un mouvement international massif, hein, pour refuser tout ce qui est carte d'identité, papier d'identité, etc. Carte d'identité, en France, a été démocratisée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs. Avant, c'était vraiment des petits papiers pas vraiment nécessaires, et qui étaient utilisés seulement pour changer de région. Mais bon, enfin, c'était un petit aparté comme ça sur la carte d'identité française. Voilà. Des papiers pour tous ou pas de papiers du tout. Aujourd'hui, pour pouvoir avoir des droits, il faut lutter pour avoir des papiers. La précarité violente touche énormément de personnes sans papiers, c'est-à-dire tous et toutes les sans papiers. Avoir des papiers, aujourd'hui, c'est ce qui permet d'avoir du soutien, c'est ce qui permet d'avoir un emploi, c'est ce qui permet d'être aidé, tout simplement. Donc, bien voilà, c'est un rassemblement à soutenir, en tout cas de notre point de vue. Les rendez-vous en Ile-de-France, à part samedi, oui, que j'ai cité juste avant, que j'ai eu l'info par la CNT 94, un rassemblement de soutien envers les ex-employés de Goodyear, samedi 6 février, à Vitry. Je n'ai pas l'heure, je n'ai pas le lieu précis, mais n'hésitez pas à contacter la CNT 94, la CNT du Val-de-Marne donc, pour avoir des informations sur ce rassemblement. En soutien aux ex-salariés de Goodyear et contre la criminalisation des mouvements syndicaux. Ce sera ce samedi, donc samedi 6. Prenez contact hein, si vous êtes intéressé par ce rassemblement à la CNT 94 ou passez au 33 rue des Vignoles. Hein, peut-être qu'il y aura des personnes de la CNT 94 aussi pour vous renseigner. Alors on passe aux rendez-vous en région. Les rendez-vous en région cette semaine, ce sera pour... Eh bien on va commencer avec Bayonne. À Bayonne, et puis comme ça, ça prendra sens avec ce que le rendez-vous précédent, puisque jeudi 4 février, à Bayonne, donc un rassemblement de solidarité, là aussi avec les ex-salariés de Goodyear, et contre, comme je viens de le dire, la criminalisation du syndicalisme hein, et des mouvements sociaux et syndicaux, ce sera à 18h devant le tribunal, tribunal qui est situé à Bayonne, rue de la Légion Tchèque. 18h, jeudi 4 février, à Bayonne. Donc voilà, hein, il y a des rendez-vous un peu partout en France. Pour les auditeurs et les auditrices qui nous écouteraient, qui ne sont pas sur la région parisienne, renseignez-vous localement. Hein, il y a peut-être des choses qui sont faites actuellement pour apporter du soutien à ces ex-salariés de Goodyear qui, je vais le rappeler, hein, et désolé d'avance de me répéter, mais qui n'ont fait qu'utiliser un outil qui est disponible depuis plus de 100 ans dans la valise Action du syndicalisme. C'est un outil légitime du syndicalisme, normal, je dirais même. C'est dommage qu'il ait perdu sa normalité, mais c'est un outil à utiliser qui devrait être utilisé de plus en plus, je pense, certes pour la défense de nos acquis, mais surtout pour en avoir de nouveaux. Parce qu'aujourd'hui, les luttes sont des luttes défensives et non plus offensives. Alors je pense qu'il faudrait renouer avec les luttes offensives de nos ancêtres, hein, je dirais tout simplement, qui ont lutté pour qu'on ait un minimum de dignité, même si c'est en train totalement de se défaire aujourd'hui dans notre vie et nos activités. Ils ont lutté pour qu'on ait le chômage, par exemple, ou d'autres choses encore. Bref, renseignez-vous hein, localement pour apporter un soutien aux ex-Goodyear. Jeudi 4, en tout cas, ça sera à Bayonne, à 18h, devant le tribunal, rue de la Légion Tchèque. Autre rendez-vous en région, ce sera en Bretagne. En Bretagne, ce sera samedi 6. Alors, j'ai pas plus d'infos que ça, mais ce sera à Saint-Brieuc. À Saint-Brieuc, un rassemblement antifasciste qui débutera à 10h, place Allende. Saint-Brieuc, donc, ville de Bretagne, ce samedi 6 février. Alors, sans doute en lien avec contrer Pegida, peut-être. Mais à mon avis, c'est aussi pour contrer tout ce qui s'est passé ces derniers temps en Bretagne. Hein. Toutes les groupuscules, on va dire néo-nazis, qui se sont d'un coup réveillés et qui font quand même des dégâts. Hein. Qui font quand même des dégâts. Autant physiquement que dans les idées, hein, évidemment. Ce samedi 6 à Saint-Brieuc, rassemblement antifasciste, et qui est appelé là aussi par vraiment beaucoup d'organisations. Hein. C'est pas seulement un rassemblement stricto sensu antifasciste, c'est-à-dire organisé par des collectifs antifascistes. Hein. Il y a des syndicats, plein de syndicats qui appellent à venir à ce rassemblement à Saint-Brieuc, quelques organisations politiques, je crois, telles que le NPA, ou beaucoup de collectifs et organisations libertaires qui y appellent, hein, évidemment. Donc voilà, samedi 6 février, Saint-Brieuc, rassemblement antifasciste, à partir de 10h, place Allende. Autre rendez-vous, et ce sera le dernier rendez-vous en région, ce sera pour Lyon. Lyon, ce sera mardi 2, c'est-à-dire demain, à partir de 19h30, un repas organisé dans l'Hôtel California. L'Hôtel California est un bâtiment qui est occupé depuis octobre, qui est occupé avec une centaine de personnes, et qui tient toujours pour l'instant, et bravo à eux et à elles d'ailleurs. Et mardi, et comme tous les mardis d'ailleurs, parce que je ne signifierai pas mardi prochain, mais tous les mardis à partir de 19h30, un repas, une grande cantine est organisée à l'Hôtel California. Alors, je n'ai pas l'adresse, j'en suis bien désolé. L'information que j'ai eue, c'est seulement celle-ci, à l'Hôtel California. Je pense que si on est sur Lyon et qu'on a un minimum de contact avec les collectifs qui luttent, je pense qu'on peut se débrouiller pour trouver l'adresse de l'Hôtel California. En tout cas, voilà. Depuis octobre, ce bâtiment est occupé avec une centaine de personnes. Je pense que c'est bien. Si jamais il y a des personnes qui veulent venir occuper aussi le lieu en plus, pour apporter encore plus de soutien, ou pas forcément pour occuper, mais pour apporter ne serait-ce que des vêtements, ou pour apporter de la nourriture, bien évidemment. Ces personnes-là qui vivent, entre guillemets, 24h sur 24, c'est devenu leur chez eux, et leur chez elles, et ils ont bien évidemment besoin de tout ce que tout le monde a besoin pour vivre décemment. Je peux rajouter aussi qu'à Lyon, il y aura une manifestation contre l'état d'urgence. Je crois que ce sera samedi 6, mais je n'en suis pas sûr. Renseignez-vous à Lyon, prenez contact avec les collectifs ou les syndicats, prenez contact notamment par exemple à la librairie La Griffe, hein, je pense, qui seront certainement au courant de ce qui va se passer au niveau de l'état d'urgence. Voilà, mais il y a une manifestation contre l'état d'urgence de prévu, il me semble que c'est le week-end qui arrive, mais je n'ai pas plus d'infos dessus. Il est 14h11, on va passer une petite chanson et on passera à la dernière partie de l'émission avec quelques infos internationales, avec notamment la Tunisie et la Suisse cette semaine. Alors ce sera, en petite pause musicale, le titre No Trouble avec le groupe Frustration. Thank you. Vous êtes toujours à l'écoute de C'est là que ça se passe sur Radio Libertaire 89.4 sur la bande FM et partout ailleurs. 89.4 sur la bande FM en région parisienne, pardon, et partout ailleurs sur le site de la radio www.radio-libertaire.net. On vient de s'écouter le groupe Frustration avec le titre No Trouble. Et oui, No Trouble, il faut surtout pas troubler l'ordre public actuellement. Et je trouvais bien de la passer, ça allait avec l'air du temps. No Trouble, donc. Vous pouvez retrouver les disques de Frustration. Généralement, ce que je passe est trouvable, hein, d'ailleurs. C'est vrai que je passe de la musique qui n'est pas forcément ce qui passe tous les jours à la radio, même sur Radio Libertaire. J'essaye de trouver des petits groupes comme ça qui sortent un peu de l'ordinaire et qui amènent une certaine fraîcheur. Automélodie, au début, était un groupe québécois. Fred Alpi, vous le savez, qui joue actuellement dans The Angry Cats, dans son groupe de rockabilly, mais qui a fait des CD de chansons revendicatives, chansons françaises. Vous pouvez trouver les albums de Fred Alpi encore à la librairie Publico, actuellement, parce qu'il y en a qui sont épuisés, mais il en reste encore à la librairie Publico. Hein, donc sachez-le, hein, vous pouvez y passer, 145 rue Amelot, ou appeler. Alors, je n'ai pas le numéro sous les yeux, mais vous pouvez aussi commander les albums de Fred Alpi par correspondance en appelant la librairie Publico du mardi au samedi à partir de 14h. Et à partir de 10h. Le samedi, très juste. Très juste, très juste. Alors, vous pouvez trouver du Fred Alpi à la librairie Publico. Automélodie, vous pouvez le trouver sur Internet, en vente. Frustration, vous pouvez en trouver aussi à la vente sur Internet ou en allant sur Paris. Je pense par exemple au disquaire Born Bad Records qui a un disquaire dans le 11e arrondissement d'ailleurs. Vous pouvez trouver beaucoup de choses de rock, de rockabilly, de post-punk, des choses comme ça. Voilà. Fnac, soutenez vos petits disquaires. Très juste, quittez les Fnac et soutenez vos disquaires indépendants qui se bougent les fesses pour vraiment sortir et produire des groupes intéressants et qui ont besoin bien évidemment du soutien de tout le monde. Et c'est valable pour les libraires aussi, hein. Quittez les Fnac, n'oubliez pas. Enfin, vous faites comme vous voulez après, bien évidemment, hein. Loin de nous l'idée de vous imposer quelque chose. Mais c'est vrai que c'est quand même mieux de pouvoir soutenir des librairies indépendantes qui généralement font quand même de meilleurs travaux que les gros mégastores. On passe aux informations internationales avec notamment la Tunisie. Alors sachez qu'en Tunisie, je voulais parler de la Tunisie, parce que c'est un pays que je suis depuis pas mal d'années sur ce qui s'y passe, et je voulais parler du fait qu'il y a eu beaucoup d'affrontements avec la police pendant tout le mois de janvier. Et notamment pendant ces deux dernières semaines, il y a eu des affrontements avec la police donc, qui a fait usage de grenades lacrymogènes contre des centaines de demandeurs d'emploi qui étaient rassemblés, qui manifestaient pour de meilleurs salaires, pour avoir un emploi, pour pouvoir donc avoir de quoi se nourrir, s'acheter des vêtements, tout ce genre de choses. Essentiel, en tout cas. Et il y a eu ça dans au moins 4 villes du pays. Alors, on a parlé de la Révolution il y a quelques années. Hein, il y a 5 ans, quelque chose comme ça, oui, très juste. Depuis, on peut dire que c'est retombé, non pas au point mort, du côté des mouvements sociaux, mais en tout cas, le gouvernement d'aujourd'hui peut être très facilement comparable au gouvernement d'avant, de toute façon. Et voilà, je voulais en parler pour dire que les chômeurs et les précaires ici en France ne sont pas les seuls à lutter, hein, et qu'en Tunisie aussi, les chômeurs et les précaires luttent pour de meilleures conditions de vie, hein, tout simplement. Voilà pour la Tunisie. Je n'ai pas le temps d'en parler un peu plus en profondeur. À la Suisse, je passe en Suisse. En Suisse, il y aura mercredi 3, une marche contre le harcèlement policier. Mercredi 3 février, donc, à partir de 17h30 à Chauderon. Et c'est tout simplement pour protester contre les fouilles, le tabassage, la confiscation des papiers, etc., qui se fait actuellement par certains policiers, peut-être certaines policières aussi, à Chauderon, donc, dans un endroit, je n'ai plus le nom, mais un endroit particulier là-bas, où des fois des fouilles à nu qui se passent dans la rue. Voilà. Par les policiers et leur pseudo-légitimité sur le droit de faire ça, des tabassages, des confiscations de papier qui fait que ben, forcément, ce n'est plus possible après d'aller trouver un emploi, d'aller se faire postuler, soigner. D'aller se faire soigner. C'est vrai, j'oubliais, mais c'est bien évidemment ça qui est important. Voilà, donc une marche contre ce harcèlement policier. Et ça serait bien que ce harcèlement policier s'arrête un jour. Et ça aura lieu donc en Suisse à Chauderon, mercredi 3 février à 17h30. Je voulais juste parler, et pour finir ce point international, sur en Belgique, à Bruxelles, je crois, il y a une école. Je crois que c'est l'école de la rue ou quelque chose comme ça, la petite école de la rue qui va ouvrir ses portes mardi ou mercredi cette semaine. Je n'ai plus l'adresse en tête, j'en suis fortement désolé, mais voilà, elle va ouvrir. Alors ce n'est pas une école classique, hein, mais ce sera pour pallier justement au fait que les écoles ne veulent pas scolariser les enfants de personnes sans papier. Voilà, donc c'est c'est ça aussi la gestion directe, hein. C'est pourquoi, si ça ne fonctionne pas, attendre que l'État se bouge, si on peut faire les choses nous-mêmes. Et bien voilà, là il se crée une école entre guillemets, hein, avec des soutiens scolaires, etc., pour apporter une certaine... Alors, je ne suis pas vraiment un grand fan du mot éducation, mais apporter des connaissances, tout simplement, transmettre des connaissances, faire des connaissances avec les enfants de sans-papiers qui ne peuvent pas être scolarisés dans les écoles classiques. Et donc, des personnes... Alors, ils ont besoin de soutien. Si vous avez du matériel éducatif, des stylos, des trousses, etc., évidemment, mais des livres, des anciens livres d'écoliers et d'écolières, apportez-les. Ça s'appelle la petite école. Renseignez-vous sur place. Je suis désolé, je n'ai pas plus d'infos que ça. Je pense que vous pouvez trouver plus d'infos sur Démosphère Bruxelles. Regardez, c'est pour cette semaine que cette école va ouvrir, qui a besoin de matériel et qui a besoin de personnes pour pouvoir échanger dans la transmission de connaissances avec ses futurs élèves. Hein. Et voilà, comme quoi, hein, il vaut mieux des fois faire les choses par soi-même si ça ne fonctionne pas par la demande à l'État. Voilà pour aujourd'hui sur l'agenda militant sur Paris, la région Île-de-France, ailleurs en France aussi. Et puis bah, le petit point international que j'aime et que j'affecte particulièrement pour vous dire tout simplement que non, les luttes ne sont pas cantonnées qu'en France, qu'il y a énormément de personnes qui luttent tous les jours, peu importe le domaine, partout en Europe, partout dans le monde entier. C'est vrai que j'aimerais bien avoir plus d'informations sur l'Afrique. Aujourd'hui, j'ai eu la Tunisie, mais j'espère pouvoir vous donner plus de luttes. Plus de luttes sur des mouvements sociaux qui pourraient avoir lieu en Afrique ou encore en Asie, si ce n'est qu'il y a beaucoup de grèves qui se passent en Chine, ça je peux vous le dire, et puis que la lutte continue toujours au Chiapas, n'est-ce pas Milan? on va donc vous quitter avec une petite chanson, la chanson de fin. De fin d'émission, hein, de C'est là que ça se passe. C'est la chanson Victoire prochaine avec le groupe Seconde Chambre. Et puis on vous laisse avec. Onde de choc. On vous laisse avec l'émission Onde de choc qui va prendre place juste après. Et puis il y aura l'émission Trou Noir aussi en direct tout à l'heure à partir de 16h. Quant à nous, on vous retrouve lundi prochain à partir de 13h pour de nouveaux rendez-vous, hein, de lutte, de nouveau, rendez-vous militant, autant en interne que dans la rue. Et on vous souhaite une belle semaine de lutte. Et puis, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Jusqu'à ce que...